Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Mosaïque, RGM, Radio Gay Mozo, Gay G-U-E, hein, rien à voir avec ceci ou cela. Hein. Il n'y a pas de gaieté beaucoup dans notre radio, enfin en tout cas dans mes émissions, parce que ben oui, bien obligé d'aborder les problèmes que aborde. J'allais dire aime aborder. Non, on n'aime pas aborder les mauvais problèmes. Hein, les mauvais côtés du fonctionnement de la société, mais quand même. Hein. Alors ce soir, eh bien, le Front populaire de 1936, le joli mai 24. La révolution de juillet, les trois glorieuses de 1830, le média en marche vers le soulèvement, tiens, en marche vers le soulèvement, voyez-vous ça. Nous sommes le 27-12-2019, que va-t-il se passer en 2020? C'est bientôt, hein, dans quelques jours. Mélenchon raconte la révolution française, vue par Mélenchon, racontée par lui. Eh bien, je vous garantis que c'est intéressant. Et puis bon ben voilà la revue de presse. Bon, je me suis cantonné à des choses pas du tout agréables. Hein, mais voilà, on est au tournant d'une année. On est à la fin de 2019. On va bientôt arriver à 2020 et les choses n'évoluent pas favorablement. Je pense qu'il va falloir que nous autres, les électeurs, les citoyens, les syndicalistes, les militants, nous prenions par la main. Nous nous secouions bien le moral pour arriver enfin à devenir un peu efficace, à peser un peu sur nos vies à nous, celles de nos enfants, celles de nos petits-enfants et des générations qui vont subir ce que l'on aura fait ou ce que l'on n'aura pas fait. Voilà. Alors, néanmoins, j'espère que le Père Noël vous a apporté de beaux cadeaux, hein, pour ceux qui croient au Père Noël. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne année 2020, hein. Ben oui, voilà, au revoir. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël? Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel, nous les plus riches, on est contents, et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Les grèves, les manifs sont passés, les gueux retournent à leur boulot. Toi, tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien les surprises. Et quand on sera sur nos nouveaux yachts entièrement défiscalisés, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers, petit Emmanuel. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Le peuple se met en marche et déferle dans la rue. Depuis la scission de Tours en 1920, la classe ouvrière est déchirée. Socialistes et communistes sont des frères ennemis. Leurs dirigeants ont refusé de se rencontrer pour organiser une riposte commune au 6 février. Le 9, les communistes seuls ont manifesté à la République et dressé des barricades boulevard Voltaire. Les combats de rue avec la police ont duré 5 heures et fait 9 morts. Aujourd'hui, 12 février, les socialistes défilent de Vincennes à la Nation. Le parti socialiste SFIO est alors le premier parti ouvrier de France. Héritier du vieux romantisme révolutionnaire français, il a ses gauchistes et ses trotskistes. En débouchant sur la place, ils voient s'avancer vers eux une autre colonne. Ce sont les communistes qui se sont décidés à la dernière minute. Que va-t-il se passer? Va-t-on se battre devant le service d'ordre, comme on le fait depuis 15 ans? Les dirigeants s'avancent pour parlementer, mais de la foule, déjà s'élève un seul cri. Unité. Ce jour-là est né le Front populaire, ici, dans la rue. Il ne laissera pas toucher à la République qui est son bien. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs, vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Ce jour-là aussi, place de la Nation, Léon Blum a rendez-vous avec son destin. Ce grand bourgeois normalien, conseiller d'État et critique littéraire, à la silhouette alanguie, à la voix chantante, ce contemporain de Gide et de Proust dira un jour « Je me demande parfois si j'étais fait pour être un homme politique. Peut-être eussé-je dû écrire. » Venu à la politique à 47 ans, il est surtout un homme de parlement. Il est marxiste, mais il se méfie des masses et de leur violence moutonnière, comme il dit. Il faut d'abord les éduquer, les organiser. Alors quand tout le monde sera prêt, on pourra faire la révolution, une révolution pure comme le diamant. Pour ce moraliste scrupuleux et tourmenté, la fin ne justifiera jamais les moyens. Il ne se salira jamais les mains. La grande vague populaire du 12 février emporte tout avec elle. Et d'abord le Parti communiste. Jusque-là, c'est un petit parti, pur et dur, semi-clandestin. Une politique, la lutte des classes. Un slogan, les soviets partout, une seule patrie, l'Union soviétique. Et les armes chargées, au marque à danser, pour l'assaut avancé. Aujourd'hui, le parti, c'est lui, Maurice Thorez, le fils du peuple pour les militants, l'homme au couteau entre les dents pour les autres. À 30 ans, il a pris le contrôle du parti avec son ami Jacques Duclos, le petit pâtissier. Duclos, c'est la faucille, Thorez, c'est le marteau. Pour Staline, tous les partis communistes sont des soldats au service de la Troisième Internationale. Il avait tout misé sur le parti communiste allemand. Il s'est trompé. Hitler a triomphé. Alors il a décidé de changer de tactique. Fini les soviets partout. Égare à ceux qui ne sont pas d'accord. La larme à l'œil, il assiste à l'enterrement de tous ses vieux camarades de la révolution d'octobre. Kirov, Orjonikidze. L'hypocrite, c'est lui qui les a fait assassiner. Premier indice du changement, la visite à Moscou de Pierre Laval, ministre des Affaires étrangères et à l'époque socialiste indépendant. L'URSS signe un pacte d'amitié avec la France, république bourgeoise, et à l'issue de la visite, le Kremlin publie un communiqué qui stupéfie les chancelleries. Monsieur Staline approuve pleinement la politique de défense nationale de la France. Le virage est pris, mais il y en a encore et toujours qui ne sont pas d'accord. Alors Staline réveille le peuple de Moscou au milieu de la nuit et l'appelle dans la rue. Alerte, un immense complot a été découvert. Et les procès commencent, qui ne cesseront jamais, devant le procureur général Vyshinsky, dont le nom devient sinistrement célèbre, tous les vieux compagnons de Lénine vont défiler. Radek, Kamenev, Boukharine, Zinoviev, Tomsky, gauchistes, déviationnistes, révisionnistes, réformistes, ils sont tous liquidés. Maintenant c'est officiel, le Comintern est dissous, fini la lutte des classes. Vive le Front populaire. Le PC français a reçu la consigne. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'international a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise. La Marseillaise a jailli des entrailles de la France révolutionnaire de 1792. Elle est l'expression ardente et passionnée de la volonté révolutionnaire du peuple de France. Et le Parti communiste est fier d'avoir pris l'initiative de célébrer la mémoire de Rouget de Lille, immortel auteur du chant immortel des soldats de l'an 2. La France découvre alors un Thorez nouvelle manière, déguisé en bourgeois, avec son gilet, sa chaîne de montre en or et son chapeau mou. Le Thorez de la main tendue. Aux socialistes d'abord, hérétiques, qu'il faut ramener au bercail. Au parti radical, le plus grand des partis, dit-il, aux croix de feu même, autorisé à se repentir. Tous les matins, l'humanité entonne le même refrain. Nous te tendons la main, catholique, parce que tu es notre frère. Et en avant pour le Front populaire. Première étape, les deux centrales syndicales, la CGT de Jouot et la CGTU communiste de Benoît Frachon, fusionnent au congrès de Toulouse. Thorez applaudit Jouot, qu'il traitait la veille de traître à la classe ouvrière. Emporté par le mouvement, Daladier et le parti radical adhèrent au Rassemblement populaire, comme on souscrit une police d'assurance. Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs, radicaux socialistes, et c'est assez. 14 juillet 1935, ils sont tous là pour la journée du serment. Socialistes, communistes, radicaux, intellectuels de gauche. Et ils jurent de rester unis pour défendre la démocratie. La droite commence à avoir peur, et la peur nourrit la haine. On accuse l'étranger, mais cela ne suffit plus. Il faut des boucs émissaires, sur place. Les Juifs, pardi. Au quartier latin, tenu par les groupuscules d'extrême droite, on commence à lyncher des étudiants juifs. Dans l'Action française, Charles Maurras s'acharne sur Léon Blum, haine hideuse, hystérique. Ce juif allemand, naturalisé ou fils de naturalisé, est un monstre de la République démocratique, un détritus humain à traiter comme tel. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Boulevard Saint-Germain, les camelots du roi attaquent la voiture de Léon Blum et le rouent de coups. « Si vous n'avez pas la guillotine, leur avait dit Maurras, vous avez bien un vieux couteau de cuisine. » Autre bouc émissaire, le professeur Gèze. Il est forcé de quitter la Sorbonne sous les huées. Pourquoi ? Parce qu'il est le conseiller juridique à la Société des Nations du Négus, à Ilay-Sélassié. L'Abyssinie a été envahie par les troupes de Mussolini. Aucune grande puissance n'a levé le petit doigt. Dans son beau palais à Genève, la Société des Nations sacrifie au culte de la paix. La paix à n'importe quel prix, comme disait ici Briand après la guerre de 14-18. Les dictateurs peuvent faire ce qu'ils veulent, ici on fait de beaux discours et on ferme pudiquement les yeux. Le Négus qui vient chercher de l'aide est accueilli par les sifflets des journalistes italiens. Monsieur le Président, Monsieur le... Nous sommes tous d'accord pour servir la cause de la paix. We are all at one in trying to serve the cause of peace. As regards peace, not only in Europe, in the whole world. Nous sommes tous d'accord pour servir la paix. Annuncio al popolo italiano e al mondo l'Ethiopia è italiana. Au fond, il suffisait d'avoir de l'audace. Ni la France ni l'Angleterre n'ont bronché. Elles ne bronchent pas non plus quand Hitler réoccupe la Sarre et la Rhénanie. Monsieur Sarraut, le président du Conseil, a bien dit, avec un joli mouvement de menton, « Nous ne tolérerons pas que Strasbourg soit à portée des canons allemands. » Eh bien, elle l'est. Et il ne s'est rien passé. Le Canard enchaîné a simplement titré « L'Allemagne envahit l'Allemagne ». Parc des Princes, 1936. La France est battue, 3-1. Mauvais présage. Front populaire contre Front national, gauche contre droite. Le choix est simple pour l'électeur de 1936. Voter Front populaire contre le fascisme, contre la guerre, contre la misère, pour la révolution et pour la paix, faites bloc. Le Front populaire, c'est Moscou, l'anarchie, la guerre civile. Français, ouvrez les yeux. Il faut choisir entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Attention, la France va se casser en deux, se lamente le chanoine des Granges. Candidat à Vannes. Monsieur Flandin, pour ses électeurs, il fait une conférence électorale ce soir à 4h à la mairie. Ah, vous avez beaucoup de monde ? Rien, encore pas mal. Encore oui. Vous saviez, il y aurait fait mauvais temps, vous auriez eu davantage de monde, peut-être. Ben, il m'est très difficile de vous présenter des amis parce que je n'ai ici que des amis. Et si je devais choisir, il me serait extrêmement difficile, évidemment, de dire pourquoi celui-ci ou celui-là l'est davantage ou moins celui-là. Mes amis, vous savez, nous allons avoir des élections et que M. Mandel est une fois de plus candidat. Vous savez que je l'ai défendu tant que j'ai pu. Et que j'ai, avec votre appui, êtes-vous disposé à me le donner toujours? Oui, je le ferai, monsieur le maire. Je suis content de lui, pourquoi changer? Il n'a pas raison. Il apparaît que le public est très circonspect. Je comprends d'ailleurs cette réserve, car le suffrage universel en face de lui, des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution, et des conservateurs qui ne conservent rien. Vous voulez voter? Depuis 10 ans, elles veulent voter. Pourquoi voulez-vous voter? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Elles devront attendre encore 10 ans. J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant ma paresse, ce dont je rêvais quand j'étais gamin, ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrais traîner mes galoches, je fredonnerais cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi, je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. France Inter, franceinter.com. Et maintenant, aux barricades! Aux barricades! Allez, en avant! Alignez-moi cette canard! À la volonté! D'histoire. On les a appelés les Trois Glorieuses, les trois journées pendant lesquelles, les 27, 28 et 29 juillet 1830, les barricades parisiennes ont fait tomber la dernière expérience de monarchie absolue en France. 41 ans après la prise de la Bastille, une deuxième révolution française faisait tomber la couronne de Charles X, dont les maladresses avaient réussi à mobiliser contre lui des hommes et des femmes de toutes les générations, de tous les milieux et de toutes les familles de pensée. des boutiquiers, des artisans, des ouvriers, le jeune Adolphe Thiers et le vieux Lafayette, le banquier Lafitte, le prince de Talleyrand et le Gavroche des Misérables. Tous provisoirement rassemblés, le temps d'une révolution qui a inspiré à Delacroix le plus célèbre de ses tableaux et à Victor Hugo, un des personnages les plus attachants de la littérature. Je suis né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et non à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau. Gavroche. Faut changer le ministère, c'est la faute à Voltaire, les cognes et les cajots, c'est la faute à Rousseau. Par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le rue, c'est la faute à... Il est mort. Venez-le moi. Mettons-le à côté des autres. Où ça? Par ici. On joue! Vive la France! Vive l'avenir! Francis Démier, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au Seuil un livre passionnant sur la France du 19e siècle, dans lequel il est beaucoup question de la révolution 1830. Alors l'historien que vous êtes va évidemment me faire remarquer que Gavroche n'est pas mort sur les barricades de 1830, comme tout le monde le croit, parce que vraiment on a le sentiment qu'il incarne cette révolution de 1830. Presque, il est mort en 1832 dans des événements dramatiques qui sont du reste beaucoup moins optimistes que 1830. C'est une des journées, des émeutes populaires à l'occasion des obsèques du général Lamarque. Et c'est à ce moment-là que Hugo, effectivement, campe sa barricade. Mais le Gavroche aurait presque pu être sur les barricades de 1830. Alors, 1830, c'est la deuxième révolution française, je le disais tout à l'heure. On en parle beaucoup moins que les autres. On en parle beaucoup moins, évidemment, que la révolution de 89, mais même de celles qui ont succédé 48, 70, 1968. Pourquoi cette espèce d'occultation de 1830? Alors, je pense que ça tient au fait que c'est une révolution sans changement de régime. Et quand on regarde rapidement effectivement la portée, les résultats, on a le sentiment qu'on reste dans la monarchie, que somme toute on a simplement un élargissement très restreint de la base du régime. On passe de 100 000 électeurs à la Chambre des députés à 200 000 en 1848, mais pour une France de 32 millions d'habitants. Alors, on passe effectivement de la restauration à la monarchie de juillet, la restauration qui n'a duré que 15 ans, de 1815 à 1830, mais qui était vraiment considérée, en tout cas aujourd'hui, comme un retour à l'ancien régime, ce qui explique peut-être la révolte de 1830. Alors je crois qu'il faut être attentif au fait que la restauration est un épisode compliqué, qu'on peut situer globalement dans une période de contre-révolution qui a commencé du reste en fait avec l'Empire. Hein. Mais il y a des moments très différents. Il y a une restauration qui, de façon très sincère, a tenté une synthèse entre l'ancien régime et l'héritage de 89. Cette tentative a échoué à partir des années 1820. Et on est tombé dans une situation... Au début, c'est vrai qu'il y a tentative de synthèse. C'est vrai qu'il y a eu deux rois dans cette restauration. Il y a eu Louis XVIII et Charles X. Louis XVIII, plutôt débonnaire, donnant aux Français une charte qui établissait vaguement une monarchie parlementaire, d'où effectivement le sentiment qu'il a donné d'être un peu plus libéral. En revanche, son frère et successeur en 1824, Charles X, c'est pas du tout la même chose. Lui, c'est vraiment un réactionnaire. Oui, alors il faut préciser quand même que la monarchie n'a jamais été dans l'esprit de la charte parlementaire, c'est-à-dire que les ministres n'ont jamais été responsables devant les chambres. C'est un régime constitutionnel, représentatif, où simplement le pouvoir du roi, qui est un pouvoir très classique, est limité par deux chambres. Simplement, la pratique des choses et puis la pression des partis politiques a tiré le régime dans un sens parlementaire, ou voulait le transformer en régime parlementaire. Et ce sont les ultras, du reste, qui dans un premier temps, contre le roi, les ultras royalistes, ont voulu donner cette dimension. Mais pas Charles X, bien sûr. Alors, les ultras royalistes, qui soutiennent Charles X, qui, dernier frère de Louis XVI, qui, dès son arrivée au pouvoir, va accumuler les maladresses. Je supprime la liberté de la presse et je rétablis la censure. Et quant au droit divin, dès à présent, je le restaure. Comme il a tort. Que pensez-vous de ma voix sur les congrégations? Sans en connaître rien, sire, je la discute. Ah? Et le milliard des émigrés? Je le condamne. Allons donc. Oh oui. Que votre majesté s'entoure d'avis et de conseils prudents. Ah non, non, non, non, non, pas de conseils. Charbonnier et maître, chef. Monsieur Villers, nous avons des dispositions à prendre qui ne souffrent d'aucun retard. Alors c'est évidemment dans le style de Guitry, un extrait du Diable boiteux, une biographie de Talleyrand revisitée par Guitry. Cela dit, ces mesures impopulaires, Charles X les a effectivement prises de Francis Desmier. Hein. On pourrait peut-être rajouter d'ailleurs au rétablissement du droit divin, le droit sur le sacrilège, en fait des tas de mesures qui ne peuvent que choquer une France qui a connu la Révolution et l'Empire. Mais même dans le film de Guitry, la personnalité de Charles X n'est pas si mal montrée que ça. Charles X est assez têtu, vindicatif et s'entourant peu de conseils. C'est ce qu'il perdra du reste en 1830, par opposition à Louis XVIII, beaucoup plus fin, beaucoup plus astucieux, qui avait tenté le compromis. Mais c'est vrai, donc, les thèmes, les idées, les mesures politiques évoquées sont très importantes. Elles visent globalement à une restauration, d'une manière ou d'une autre, de l'ancien régime. Le milliard aux émigrés, il faut rappeler que c'était l'indemnisation des émigrés qui avaient perdu leurs biens pendant la Révolution, puis une indemnisation très généreuse, ça avait foutu en boule, évidemment, tous les nostalgiques de la Révolution et de l'Empire. Alors c'est une mesure à double face qui, d'un point de vue, effectivement, essaie de restaurer une propriété foncière. Ce milliard va servir très souvent, justement, pour renforcer une aristocratie foncière. Mais en même temps, c'était tirer un trait sur le conflit. C'est-à-dire que dans la mesure où les émigrés étaient indemnisés, on pouvait considérer que les biens nationaux étaient acceptés. L'ambiguïté. Alors, en tout cas, ces mesures, cette politique de Charles X va évidemment dresser contre lui une opposition qui se manifeste de plus en plus et qui est composée, il faudrait peut-être le rappeler, Francis Demier, essentiellement, il y a des bonapartistes, des nostalgiques de l'Empire, il y a aussi des républicains qu'on retrouve derrière Lafayette, et puis alors ceux qui sont peut-être les plus importants, c'est-à-dire les monarchistes modérés, ce qu'on appelle les orléanistes. Oui, alors il y a eu aussi plusieurs phases dans cette évolution d'opposition. Il y a une première opposition au début des années 1820 qui a été très violente, qui est une opposition des Carbonari, des sociétés secrètes, avec des tentatives de complot militaire, comme en Espagne ou en Italie. Et puis après l'échec de ces complots, s'est reconstruit une opposition qu'on appelle opposition libérale. Et cette opposition libérale, elle renferme à la fois des républicains, des bonapartistes et puis aussi des orléanistes. Il faut dire que les orléanistes avant 1828-29 sont assez peu affichés ou en tout cas peu présents. Ils sont peu connus aussi, ils sont jeunes, vous parlez d'une nouvelle génération libérale, Thiers n'est pas très connu encore, il y a Guizot, il y a le banquier Lafitte. Oui, alors il y a des intellectuels et puis il y a des hommes de l'économie. Les intellectuels, c'est effectivement des gens comme Guizot, Thiers et Mignet, de jeunes et brillants avocats ou journalistes qui sont montés sur Paris et qui sont nés avec le siècle. Et ce sont des gens qui redécouvrent la Révolution française, un sens de l'histoire, et qui vont tenter une chose qui me semble importante, c'est un changement sans révolution. Et un changement au profit du duc d'Orléans. Il faut rappeler que c'était quand même, effectivement, il peut même plaire aux républicains, c'était le fils de Philippe Égalité qui avait voté la mort de Louis XVI. C'était un combattant de Valmy, il avait tout à fait accepté la Révolution et c'est lui qui va devenir leur candidat, surtout quand effectivement cette opposition progresse aux élections. Et là, alors là, Charles X se braque encore un peu plus froid, qui disait « les concessions ont perdu Louis XVI, j'aime mieux monter à cheval qu'en charrette » et c'est ce qu'il va faire parce qu'il va y avoir des élections au cours desquelles l'opposition va l'emporter et il va prendre toute une série de mesures impopulaires qui vont déclencher 1830, Francis Desmier. Oui, il y a ce phénomène. Effectivement, Charles X est persuadé parce que il ne faut pas oublier que c'est une génération qui a vécu la Révolution, qui a un souvenir assez proche de la Révolution. Et ils sont tous convaincus que ce qui a perdu effectivement l'Ancien Régime, ce sont les concessions libérales. Et donc, effectivement, il faut résister. L'autre problème aussi, c'est la montée d'une opposition qui fait qu'à partir de 1827, le roi n'a plus de majorité. Alors il dissout l'Assemblée à plusieurs reprises. Il désigne un Premier ministre qui est vraiment très impopulaire, Polignac, et puis il décide les fameuses quatre ordonnances qui vont mettre le feu aux poudres. Ça, elles sont rendues publiques, je crois, le 26 juillet. Oui, ce sont des ordonnances, effectivement, qu'on a qualifiées de coup d'État. Coup d'État pas sûr, dans la mesure où il s'appuie sur l'article 14 de la charte qui permet au roi effectivement d'agir par ordonnance en situation de sûreté de l'État, en situation dramatique. En réalité, cette notion est assez contestée et c'est ressenti comme un coup d'État. Et ces ordonnances, au moins deux ont un impact décisif. C'est la fermeture des journaux qui ne pourront réapparaître qu'avec autorisation. Et donc là, c'est un coup porté à quelque chose qui, pour tout le monde à cette époque, symbolise la liberté. C'est la presse, les journalistes. Très important dans cette révolution. Et puis, il y a une deuxième mesure qui est importante sur le point électoral, puisque l'Assemblée est dissoute et les élections sont renvoyées à septembre. c'est qu'on exclut la patente, qui était l'impôt payé par les manufacturiers et les commerçants, du calcul du cens électoral qui permettait de voter. Ce qui veut dire que, ouvertement, de façon claire et nette, le régime écarte la bourgeoisie, au sens économique du terme, de l'exercice du pouvoir. C'est une provocation à l'égard des forces montantes. Et c'est une provocation qui, effectivement, à peine connue le 26 juillet, va mettre le feu aux poudres, déclencher la première des Trois Glorieuses le 27 juillet, donc, premier jour d'une révolution décrite par de nombreux témoins, la revue de texte Stéphanie Duncan. Alors, à Paris, c'est au Palais Royal que tout a commencé. Dans l'après-midi du 27, raconte le marchand de vin Joly, j'ai d'abord vu des détachements de gendarmerie à cheval envahir la place du Palais Royal et disperser à coups de sabre les citoyens qui s'y trouvaient réunis et qui criaient « Vive la charte !» Alexandre Dumas, l'écrivain, se trouve tout près du Palais Royal, rue de Richelieu. Il est visiblement ravi. Partout, dit-il, on effaçait les fleurs de lys, on grattait le chiffre du roi, on barbouillait les enseignes. Au cri de « Vive la charte !» commençait à succéder le cri de « Abat les Bourbons !» Des hommes armés se montraient au coin des rues, aux fenêtres des femmes leur criaient « Bravo !» Tout le monde courait, une fièvre universelle semblait s'être emparée de la population. C'était merveilleux à voir. Alors Victor Hugo, lui, se trouve au théâtre, de la Porte-Saint-Martin, où le spectacle l'ennuie d'ailleurs. Tout à coup, dit-il, au milieu d'un acte, un groupe effaré entre dans la salle avec des sabres nus et le drapeau tricolore, portant un jeune homme sanglant qui venait d'être tué par la fusillade à la porte même du théâtre, et criant « Misérable, pendant qu'on égorge vos frères, vous jouez la comédie !» Et cela fit tomber la toile du décor. Un médecin, le docteur Poumiès de la Ciboutie, prend sa trousse, lui, et va dans les rues soigner les blessés. Et il n'en revient pas de ce qu'il voit. Cette chaude journée d'été, dit-il, Paris la passa dans la rue. Chacun y avait trouvé son domicile. On était là, demi-vêtus, en pantoufles. On fondait des balles sur les places. On voyait au milieu des combattants quelques soldats qui, dès le début, avaient pris parti pour le peuple. Il y avait des uniformes de toutes les époques, de la République, de l'Empire, portés par de vieux soldats ou des officiers à la retraite. Et de l'autre côté, le côté de l'ordre, le général de Saint-Chamond est effaré par la force et la détermination des insurgés. À notre entrée dans la rue Saint-Antoine, dit-il, nous fûmes assaillis par un feu de mousqueterie assez vif, partant des fenêtres. Puis, nous nous trouvâmes au pied d'une énorme barricade qui était construite si solidement que, malgré de très grands efforts, il nous fut impossible de la démolir. Ayant perdu beaucoup d'hommes et n'ayant plus de munitions, je décidai un repli. Il était 6 heures du soir, la troupe était en marche depuis 7 heures du matin. Nos hommes étaient exténués de fatigue, de faim et surtout de soif, car la chaleur était brûlante et doublée par l'émotion que produit toujours un combat long et acharné. Un vieux peintre, Amaury Duval, préfère contempler tout ça derrière sa fenêtre, un peu effrayé par toute cette agitation. Mais, dit-il, quelle fut ma joie quand je vis le pavillon tricolore flotter tout à coup sur la colonnade et les portes du Louvre. Francis Desmier, le pavillon tricolore, on le voit dans presque toutes les lignes, dans tous les textes que vient de citer Stéphanie. On a l'impression qu'on ne se battait que pour le pavillon tricolore. Oui, c'est interdit, c'était le drapeau blanc, évidemment, Charles X. Oui, bien sûr, et ça avait été effectivement un des grands points de faiblesse de cette monarchie, de revenir au drapeau blanc. C'est vrai, je crois que le drapeau tricolore à lui seul symbolise de manière très profonde la signification des événements. Et il veut dire, je crois, tout simplement, retour à 1789. Mmh. Il faut bien comprendre que 1830, c'est un nouvel acte de la Révolution française. On a de la même manière qu'en 89, un prix du pain qui est très cher à Paris, un monarque opposé à une assemblée, et on a un peuple parisien qui, autour du drapeau tricolore, va en fait sauver l'opposition. Un peuple, vraiment, il y a tout le monde sur les barricades. On l'a entendu, une boulangère, des enfants. C'est là que Victor Hugo voit un gamin qui va peut-être lui inspirer justement Gavroche. Des bourgeois, des étudiants, énormément d'étudiants, et sur des barricades. Ça, c'est nouveau. Il faut rappeler qu'en France, on n'a pas vu de barricade depuis très longtemps. Je crois qu'il y en a eu pendant la Fronde. Il n'y en a pas eu du tout en 89. Et là, il y en a en 1830. Et il y en aura dans toutes les révolutions que connaîtra Paris ensuite. Oui, alors les barricades, effectivement, ne sont pas parues pendant la Révolution française. Elles apparaissent quand même rue Saint-Denis en 1827, au moment justement où Villèle est défait par les élections. Une insurrection, une émeute utilise les barricades. Mais c'est une une nouveauté et qui a surpris bien évidemment les forces de l'ordre. Et très efficace, parce que les rues de Paris sont étroites, Haussmann n'est pas encore passé par là. Effectivement, les soldats du général Marmont qui commandent les troupes reçoivent des tombereaux de meubles, de tas de choses, de moellons, de tuiles sur le crâne. C'est ce qui explique peut-être effectivement le fait que l'armée va finalement abandonner, que Charles X va renoncer à son trône pour une révolution très parisienne. On a l'impression qu'il n'y en a pas eu en province du tout, Francis Démier. Non, là, cette révolution de 1830, de façon très très typique, est l'expression de la force du peuple de Paris. Hein. Et du reste, c'est Hugo qui dira, quelques jours après la révolution, en s'adressant aux Parisiens, vous étiez une foule, maintenant vous êtes un peuple. Donc, c'est le peuple parisien qui est intervenu et qui a le sentiment d'avoir sauvé la liberté. Orgueil du peuple parisien aussi, à l'échelle de la France, méfiance parfois de la province, mais la province a suivi. Alors, c'est ce qui explique, très parisienne, c'est ce qui explique, pardon, peut-être le titre de cette chanson, qui est au fond à la révolution de 1830 ce qu'était la Marseillaise à celle de 89, la Parisienne. Peuple français, peuple de brave, la liberté ouvre ses bras. On nous disait, soyons esclaves, nous avons dit, soyons soldats. Enfin Paris, en sa mémoire, a retrouvé son gré de gloire. Nous avons marché contre le ciel, à travers le reste des bataillons, courons à la victoire, courons à la victoire. Les trois couleurs sont revenues, et la couronne avec fierté fait violer à travers les lures, arc-en-ciel de la liberté. Enfin Paris, dans sa mémoire, a retrouvé son jour de gloire. En Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la révolution de 1830. Et vous venez entendre une chanson oubliée d'une révolution un peu oubliée, La Parisienne par Marcel Clément justement, qui date de 1830 et dont nous avons trouvé les références dans un livre de Martin Penney, Mémoire de la chanson, paru chez Omnibus. Alors on a entendu le dernier couplet de cette chanson, de La Parisienne, qui se termine par Les trois couleurs sont revenues. On a un peu l'impression que finalement c'est presque la seule acquisition de cette révolution de 1830. Il faut rappeler ce qui s'est passé après. Pendant que les barricades se déclenchent, pendant qu'on se bat dans Paris, les monarchistes modérés, les orléanistes, ont un peu peur que cette révolution débouche sur une république. Ils veulent bien la chute de Charles X, Francis Démier, mais ils ne veulent pas d'une république. Oui, bien évidemment. Il y a eu une tentative qui a surtout été pilotée par quelques étudiants des sociétés secrètes de transformer le mouvement en mouvement favorisant la République. Mais ça a été un échec. En fait, ça tient au fait que les forces des Républicains sont encore très faibles, que le contact avec la Révolution française s'opère sous la forme de symboles, la liberté, le drapeau tricolore, 89, mais pas sous la forme de projets politiques. Et puis aussi, il faut bien mesurer qu'il y a un argument, deux éléments qui sont importants et qui explique finalement l'escamotage de la République, c'est l'intervention de Lafayette. Lafayette qui est à nouveau nommé à la tête de la garde nationale comme en 92, au moment justement où il a joué un rôle politique important pendant la Révolution française. Et bien évidemment, c'est Lafayette qui va permettre l'escamotage de cette révolution en désignant le duc d'Orléans. Bon, comme étant celui qui mettra sur pied une monarchie ressemblant à une république. Effectivement, c'était la fameuse mise en scène qui va permettre aux barricades de se terminer. On suggère effectivement au duc d'Orléans d'aller à l'hôtel de ville se faire acclamer par le peuple en présence de Lafayette, une idée qui, dans ce film de Sacha Guitry, aurait été soufflée par Talleyrand le 30 juillet 1830. Votre Altesse Royale soit à l'hôtel de ville avant 9h du matin. Et quand la place enfin sera noire de monde, Monsieur de Lafayette apparaisse au balcon, puis qu'il s'écarte aussitôt et que le roi paraisse. Que ce soit vous, mon général, qui placiez le drapeau tricolore entre les mains du roi. Et pour accompagner ce geste qui plaira, je vous conseillerais, mon général, de prononcer quelques paroles historiques. historique. Et que le mot République y figure. Général de Lafayette symbolise la République. Et pour que le mot République ait été prononcé, que notre illustre général marque sa préférence, et vous ayant choisi, qu'il déclare hautement que vous êtes le roi qu'il avait rêvé, et que vous valez mieux, et que vous valez mieux que toutes les républiques. Alors, cette scène du diable boiteux, Francis Démier, elle sort évidemment de l'imagination de Guitry, mais c'est bien ce qui s'est passé. Le 31 juillet, Lafayette apparaît devant une foule essentiellement républicaine, parce que sur les barricades, il y a surtout des républicains, et puis il calme tout le monde. Ça, c'est le mot historique a été lâché. Il a été lâché, il y a beaucoup de témoignages, en tout cas, qui en font état. Et il faut comprendre la raison pour laquelle le peuple de Paris, après beaucoup d'hésitations, et après ne pas s'être satisfait simplement de la chute de Charles X, accepte cette solution. C'est parce que Lafayette, à lui seul, représente finalement l'esprit de 89 et au-delà ce que pourrait être un message républicain. Et donc la confiance accordée à Lafayette, effectivement, s'est transférée sur la personne de Louis-Philippe, ou en tout cas du futur Louis-Philippe. Que Lafayette appelle effectivement la meilleure des républiques, ce que vous rappelez dans votre livre. Mais Charles X abdique, il part en Angleterre, il va mourir 6 ans plus tard. Et puis le duc d'Orléans devient effectivement Louis-Philippe Ier, roi des Français et non pas roi de France, avec un drapeau tricolore. Mais on a presque l'impression que c'est la seule acquisition. On garde la charte, il y a peu de changements sur le plan politique qui se produisent, sinon qu'on supprime bien sûr toutes les mesures impopulaires de Charles X. Oui, alors ça pose le problème de l'héritage de 1830 et de sa portée sur la monarchie de Juillet. Je crois quand même que la révolution de 1830 est très importante par ses conséquences politiques. Ne serait-ce que parce qu'en 1830, et vous l'avez signalé, sur les barricades, ou en tout cas dans Paris, s'est opérée une rencontre entre les intellectuels, les libéraux et le peuple. Et de cette rencontre entre les hommes de doctrine et le peuple va naître le socialisme. C'est aussi une redécouverte de la République. Le premier élément étant le drapeau tricolore, on va creuser en quelque sorte pour savoir quel était le vrai message républicain. Et le peuple le retrouvera. Et puis il faut bien voir que la révolution ne s'arrête pas en 1830, mais que pendant 4 à 5 ans, la crise économique et sociale qu'on n'a pas évoquée, mais qui était l'arrière-plan de cette révolution de 1830, continue. Le chômage est important et le mouvement ouvrier va relayer finalement ce mouvement libéral des barricades. Il y aura les barricades de 32 dans lesquelles mourra Gavroche. Il y a aussi autre chose que vous expliquez bien dans votre livre. On croit toujours que c'est en 1848 que toute l'Europe s'est insurgée à la suite de la Révolution française de 1848. En 1830 aussi, ça a été une espèce de printemps des peuples, parce que vous rappelez bien que sur le modèle français, il y a eu une révolution en Pologne, en Italie et en Belgique. Oui, depuis 1820, il y a une synchronisation des mouvements révolutionnaires. Et c'est vrai qu'en 1830, le phare de la Révolution, c'est Paris. Et à partir de cette période, donc, une France qui était considérée finalement comme une France matée dans une Europe du Congrès de Vienne redevient le phare de la Révolution. C'est la raison pour laquelle le nouveau régime n'est pas du tout considéré comme un régime acceptable par les monarchies, mais comme un régime très douteux, et qui du reste va porter aide et assistance à la Révolution belge de 1831, qui est dans le sillage de celle de 1830. Parce que pour les Belges, il faut rappeler que la Révolution de 1830 a eu des conséquences considérables. Oui, bien sûr, mais le problème est aussi évoqué par les Anglais, qui auront peur de l'effet de 1830, et bien évidemment dans des monarchies comme la monarchie autrichienne, en particulier pour la question italienne. Il y aura aussi des mouvements en Italie en 1830. Donc la portée est énorme. N'oublions pas aussi qu'avec 1830, on peut dire que plus jamais l'idée d'un retour à l'avant 1789 ne sera envisageable. La noblesse, l'aristocratie foncière ne peut plus se constituer en tant que caste autonome. Et la révolution devient effectivement, celle de 89 devient effectivement irréversible. En tout cas, merci Francis Démier de nous avoir rappelé cette révolution un petit peu oubliée qui est 1830. Vous en parlez aussi, Jean, donc dans ce livre très récent, La France du 19e, 1814-1914, disponible en poche au Seuil dans la collection Point. Un excellent livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Et puis vous avez également écrit Histoire des politiques sociales, Europe 19e-20e siècle, publié également au Seuil. À lire également Les révoltes de Paris, de Claude Dufresne, disponible aux éditions Bartilla. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Diable boiteux de Sacha Guitry, avec Sacha Guitry dans le rôle de Talleyrand et Maurice Ténac dans le rôle de Charles X, un film disponible en vidéo chez Canal Plus Vidéo. Et puis également, vous avez pu entendre un extrait des Misérables de Jean-Paul Le Chanois, disponible en vidéo chez René Château Vidéo. Vous pouvez, je vous le rappelle, écouter notre émission tous les jours et pendant une semaine, à n'importe quelle heure, sur le site internet franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques.

que, somme toute, on a simplement un élargissement très restreint de la base du régime. On passe de 100 000 électeurs à la Chambre des députés à 200 000 en 1848, mais pour une France de 32 millions d'habitants. Alors, on passe effectivement de la Restauration à la Monarchie de Juillet, la Restauration qui n'a duré que 15 ans, de 1815 à 1830, mais qui était vraiment considérée, en tout cas aujourd'hui, comme un retour à l'Ancien Régime, ce qui explique peut-être la révolte. Depuis cet été, j'entretiens avec vous, grâce à ces éditos, écrits entre mon bureau et mes déplacements en TGV, Metz-Paris, Paris-Metz, puis lus au prompteur, avec quelques impros, une relation particulière. Je peux partir en vrille, marquer un silence. Je ne prépare rien quant à mon apparence ou à mon jeu de jambes. On me le reproche, mais tant pis. J'installe un truc. J'invente cette forme sans trop savoir où je vais et où cela nous mènera. Peut-être au stand-up. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. Je ne sais pas où cela va me mener. Rien ne m'oblige, sinon vous, et donc ce lien particulier. Vous connaissez Octave Mirbeau ? Il est l'auteur d'une pièce célèbre, « Les affaires sont les affaires », qui met en scène un patron de journal corrompu. Il est né le 16 février 1848 dans le Calvados et il est mort à Paris, en 1917, pendant la boucherie générale. Sa fiche Wikipédia dit « Écrivain et journaliste influent, pamphlétaire redouté, critique d'art et défenseur des avant-gardes, il est un romancier novateur qui a contribué à l'évolution du genre. Mais, précise l'affiche, après sa mort, il traverse pendant un demi-siècle une période de purgatoire. Il est trop dérangeant pour la classe dirigeante, tant sur le plan littéraire et esthétique que sur le plan politique et social. Je continue. Après tout, c'est mon quart d'heure. Je fais ce que je veux. J'ai lu sa pièce quand j'écrivais « Pendant les affaires continuent » et c'est lui qui a inspiré mon titre. Disons qu'un siècle après lui, je navigue dans les mêmes eaux. J'admire profondément la vie et l'œuvre de Mirbeau et c'est un jeune lecteur, Raoul V, 80 piges au compteur, qui m'a écrit cette semaine et l'a fait remonter à ma surface. Littérairement incorrect, Mirbeau est inclassable. Il fait fi des étiquettes, des théories et des écoles. Et il étend à tous les genres littéraires sa contestation radicale des institutions culturelles. Il est aussi politiquement incorrect, farouchement individualiste et libertaire. Il incarne une figure d'intellectuel critique, potentiellement subversif et irrécupérable, selon l'expression utilisée par Jean-Paul Sartre dans Les Mains Sales. Un peu de culture dans ce monde crasse ne fait pas de mal. Ce n'est pas chez Pascal Pro ou chez Jean-Marc Morandini qu'on pourrait citer Mirbeau. Faut que vous vous arrêtiez de parler. Vous vous demandez où je veux en venir. Mirbeau, comme le rappelle le jeune Raoul V, est l'auteur de cette citation d'une grande actualité que je voudrais méditer devant vous et avec vous en cette semaine italienne. Je parle de la place d'Italie et pas de la promo chez Lidl. La citation donc. Les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien et n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour leur boucher qui les tuera, ni pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Cet édito est donc dédié aux moutons. Puissent-ils devenir des loups ou des loups-garous ? Mais pas des chèvres, ni des rats. La semaine dernière, il m'a semblé mal me faire comprendre. J'avais titré, enfin Mathias et Maxime avaient titré « En marche vers la peste ou le choléra ». Depuis que je suis aux médias, la science des titres m'échappe, alors qu'à Libé, j'étais plutôt pas mal. Mais c'était du papier, on pouvait se permettre d'être fin, elliptique. Sur Internet, il faut embarquer très vite avec des accroches un peu putassières. Mais bon, je m'y plie. Ma règle, c'est qu'aucun titre ne doit mentir. Il y avait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au devant de l'image et en arrière-plan, le visage orangé de Donald Trump. Le titre, « La peste ou le choléra » reprenait une citation du texte. Il y a eu plus de 2000 commentaires sur YouTube et je ne sais pas trop combien sur Facebook, sans doute encore plus. Parmi eux, une part significative m'a jugé défaitiste et m'a attaqué sur le thème « Arrête de penser que c'est déjà plié et qu'il n'y aurait pas d'autre alternative. Sois plus combatif, merde !» Je résume. À ces bien-aimés contempteurs, je voudrais dire sobrement que je suis aux médias pour le combat, le fight, la castagne, le débat. Sinon, j'irai aux champignons et pêcher la truite. J'adore la pêche. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Ça me donne mal à la tête. Jamais je n'ai considéré que c'était plié. J'ai mis en avant ce que nous matraquent les médias depuis quelques semaines. Et ça va aller crescendo. En invoquant la peste et le choléra, je signifiais mon incapacité à choisir entre ces deux avatars du capitalisme financier. Deux produits de la société marchande et politique, statutairement une héritière et un banquier. Une dangereuse enfumeuse et un tueur en marcheur. Une bouchère et un boucher, deux bons gros bourgeois. Salut Octave. J'exprimais mon désir de ne pas me résoudre à ce que nous vendent avec une constante qui frise la propagande d'État les zélés serviteurs, sondeurs, media workers de la Macronie. Car ce duel Le Pen-Macron, agité comme une évidence et un épouvantail, sert surtout, en l'état des forces, Emmanuel Macron. Qu'a-t-il d'autre à nous vendre que la peur du loup ? La semaine a été dure, encore plus que la précédente, qui déjà avait été mortelle d'ennui, de revirement, d'asservissement. Il y a eu l'immolation d'Anas Kournif. Enfin, on peut mettre un nom sur ce jeune homme de 22 ans, étudiant, syndiqué, militant, non dépressif. Je dis ça, je ne le connaissais pas. Je sais que ses amis de Solidaires veulent l'anonymiser. C'est une erreur. Il faut brandir partout sa photo. Anas a donné sa vie, ou presque, pour ses amis étudiants et tous les précaires que rend encore plus précaire la politique économique d'Emmanuel Macron. Qui le dit ? Pas n'importe qui, pas un anarchiste, Louis Gallois, grand patron de 75 ans, homme sage, président du conseil de surveillance de Peugeot, ex-commissaire général à l'investissement. C'est une réforme extrêmement raide et dure. C'est une réforme qui est dure pour les précaires, c'est-à-dire ceux qui alternent les petits boulots et les périodes de chômage. Je vois surtout qu'on fait payer la précarité aux précaires à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est une somme considérable. Je pense que pour lutter contre la précarité, il y a d'autres moyens que la trique. Parce que ça, c'est la trique. C'est-à-dire, on dit aux gens, on ne vous indemnisera plus. Vous allez chercher du boulot parce qu'on ne vous indemnisera plus ou on vous indemnisera moins. Mais est-ce que moins. Ça va pousser effectivement des gens à retrouver un travail peut-être. Qu'ils ça ne les, trouvent pas aujourd'hui met, C'est ce que met, pense ça... le gouvernement. Oui, ça va faire plus de gens au RSA. Ça, c'est clair. Anas, brûlé au troisième degré sur 90% du corps, nous a laissé une lettre qui, entre autres, dit ceci. Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser, et du libéralisme, qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Sarkozy, Hollande et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Ils chutent en lâchant. Désolé pour l'épreuve que c'est. Au revoir. L'épreuve ? Elle est pour toi, Anas, qui est placé en coma artificiel depuis 2 semaines et n'est pas prêt d'en sortir. Nous, on ne peut que tenter de faire en sorte que ton message et ton geste ne soient pas détournés, liés. Et franchement, niveau saloperie, on en a entendu et des belles. Il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Pensez à tes jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent. Nous agissons, vous êtes dans l'incantation dangereuse. Soyez un peu responsables. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Il vaut mieux que tu restes dans ce coma qui fait que ton esprit flotte encore, plutôt que de voir ça. 2-20 qui est pour, qui est contre, adopté. 2-22 qui est pour, contre, adopté. 2-26 pour, contre, adopté. 2-25 pour, contre, adopté. 2-24 pour, contre, adopté. 2-23 pour, contre, adopté. 2-8, même avis, même vote, adopté. 2-5, même avis, même vote, adopté. 2-3, même avis, même vote, adopté. 2-2, même avis, même vote, adopté. Et plutôt que de lire ça, on est décomplexé chez les emmarcheurs. On se fait acheter et on se marre. Où ça ? Comment un journal peut décemment être propagandiste à ce point ? Ou encore ça, notre président plénipotentiaire a fait savoir qu'il avait versé une larme sur le film de Ladjli. Les misérables. Ils pleurent sur un film, pas sur toi. Personne ne pleure sur toi dans cette République en marche ou au Rassemblement national. Nous si, Anas. Nous, on pleure avec toi et tes amis. Soyons réalistes. Brûlé à 90% au troisième degré, il y a très peu de chances que tu en réchappes. Pour ceux qui me trouvent pessimiste, les brûlures d'Anas ont détruit sa peau en profondeur, son derme et son épiderme, sans possibilité de régénération. 90% de son corps s'est coloré de blanc ou de noir. 90% de ce qui reste est insensible, sec et sujet aux infections. Seules des greffes pourraient le sauver. Mais on n'a jamais vu, si les informations publiées sont exactes, un homme dans cet état en réchapper. Seul un enfant y est parvenu. C'était au Québec en 2012. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que l'acte d'Anas est héroïque, homérique, triste, dingue, mais généreux. La société dans son ensemble, les médias, les politiques, n'ont pas pris la mesure de cette détresse et de son message. Et qu'une stèle de marbre éclatée, quelques cagettes et voitures enflammées est un moindre mal. Monte Cassino ou pas. Pourquoi j'évoque cette ville italienne ? Parce qu'un préfet l'a fait avant moi. Honte à toi, préfet l'Allemand, à venir parader place d'Italie avec ces mots et cette morgue qui n'ont rien à voir avec la République, avec ma République. Parce que c'est rien, madame. Petite... Non, je suis gilet jaune. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ah, mon oncle est mort à Monte Cassino. Oui, oui, monsieur, les grands-parents et tout, d'accord, ils se retournent à leur tour, d'accord. Quand les gens du peuple auront repris le dessus, quand la République reprendra des couleurs, nous te jetterons des cailloux. Après tout, ce serait qu'un retour à l'envoyeur. Et non, je déconne. J'hésite, la plume, le goudron, nous te licencierons. Et t'enverront casser des cailloux à Monte Cassino. Je sais, la perspective de voir le peuple triompher est encore lointaine. Mais on ne sait jamais avec les révolutions. Des fois, elles viennent au moment où on s'y attend le moins. J'y étais samedi, place d'Italie, pour l'anniversaire des Gilets jaunes. C'est bien de se rendre sur place pour voir les policiers et les Black Blocs de près et sentir le parfum enivrant des lacrymos. J'y étais avec ma carte de presse et sans Gilets jaunes. C'était quand même un sacré piège, ce rendez-vous place d'Italie. La manifestation était dûment déclarée et autorisée. Vers 10h, un groupe de Black Bloc a brûlé quelques cagettes et palettes opportunément laissées sur place devant le regard impassible de policiers qui auraient pu intervenir. Puis il y a eu quelques feux allumés, ça et là. La place allait se remplir, malgré le métro interdit, quand les cordons de gendarmes et de CRS ont bouclé les rues. Impossible de rentrer et de sortir. La nasse. Et c'est là, vers 13h30, que tu décides, préfet Lallemand, d'interdire la manifestation. Tu l'annonces vers 14h. Bravo, bon timing. Il y a eu cette stèle du maréchal Juin, méticuleusement détruite par un type très énervé. Les images sont passées aussitôt en boucle et ont fait le bonheur des emmarcheurs qui avaient enfin du grain à moudre pour cracher sur les gilets jaunes. Je me suis demandé comment le type avait pu ramener son pied de biche. Je me demande aussi comment se fait-il, avec toutes ces caméras et la propension que vous avez, vous, préfet, vous, Christophe Castaner, vous, procureur de Paris, à attraper le moindre gilet jaune qui tousse de travers, comment se fait-il que ce jeune homme ait pu vous échapper? Je pose la question, c'est tout. L'hypothèse que j'aimais, mais je peux me tromper, c'est qu'en te levant ce matin-là, préfet Lallemand, tu avais déjà ça en tête, interdire, maintenir votre ordre. Question maintien de l'ordre, préfet Lallemand, tu as fait très fort. Question tir tendu sur la foule, tes gars aussi ont fait très fort. Manu, si tu m'entends, on pense à toi. Comment peux-tu, sachant tout cela, préfet Lallemand, venir ensuite t'exhiber? Aux Champs-Élysées. Ça suffit. C'est à mon sens, et c'est ma liberté de le dire, obscène. Comme est obscène cette déclaration de notre bien-aimé président. Lorsque la haine s'abat et qu'au nom d'idéaux, la destruction se joue dans la rue, trop de voix se taisent, qui deviennent alors complices. Trop de voix laissent confondre des idéaux avec le nihilisme de la violence. Une fois encore, la première des violences n'est pas celle des gilets jaunes. La première des violences est bien celle d'un président qui n'a plus que sa police, ses préfets zélés et ses procureurs dociles pour faire barrage à un peuple qui se soulève. Je comprends en même temps qu'Emmanuel Macron ait peur. Mais il avait mille fois la possibilité d'arrêter de durcir ce rapport de force et de mettre un peu de douceur et de compassion dans sa parole. Il semblerait que ce soit trop tard. Il semblerait, à la veille de cette journée de lutte et de convergence du 5 décembre, que nous soyons à un moment de bascule entre soulèvement et asservissement. Cela dépend de vous, de nous et de lui. Ce qui m'ennuie le plus dans ce drame qui se joue en temps réel, c'est qu'une responsable politique très marquée à droite, une qui n'aime ni les Arabes, ni les Africains, ni les migrants, ni les artistes, ni les journalistes, pas la peine que je continue mon énumération, c'est chiant. Ce qui m'ennuie donc, c'est là-dessus que joue Macron, c'est que Marine Le Pen n'a pas besoin de la ramener, ni d'entrer dans le débat et dans les luttes. Elle reste tranquillement en coulisses à compter les points. Quand ce sera mûr, elle et sa clique d'opportunistes en petits costumes étriqués, les baies, les odoules, les raclines, elle et sa petite boutique RN va rafler la mise. Alors voilà. Compte tenu du lien très particulier qui nous unit, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition honnête qui répond aux interrogations qui m'ont été opposées après mon dernier édito. Si on veut éviter la peste et le choléra, je vous propose de nous aider à faire ce qu'ici, aux médias, on essaie de faire au mieux, du journalisme. Je voudrais lancer pour 2020 deux grands chantiers, l'un sur Emmanuel Macron, l'autre sur Marine Le Pen. Je voudrais embaucher deux rédacteurs en chef qui feront travailler une dizaine de journalistes pour restituer ce que personne n'a encore vraiment fait. Les coulisses de la Macronie et de la Maison Le Pen. Qu'a fait Macron de son argent gagné chez Rothschild? Qui a-t-il trahi pour arriver au pouvoir? Quel rôle joue ou a joué Steve Bannon dans la stratégie de com' de Marine Le Pen? Quel grand patron l'aide sans vouloir apparaître? Où et comment circule l'argent dans leur petite boutique? Et pour finir, une petite blague. Il y a deux types de partisans d'Emmanuel Macron, les milliardaires et les idiots. Pour connaître le vôtre de type, vérifiez votre compte en banque. Et si votre compte en banque est comme le nôtre aux médias, un peu vide, souvenez-vous, vos dons sont défiscalisés. Vous nous filez 30 euros, vous en récupérez 20. On n'est pas très cher au fond. On est la liberté de la presse. Et si on a besoin de vous, très modestement, je pense aussi que vous avez besoin de nous. Allez, salut.

Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Une revue de presse. Eh bien, allons-y, une revue de presse. La contestation aussi se mondialise. Dans le monde, des pays et territoires touchés par d'importantes manifestations du mouvement des Gilets jaunes à la flambée de violence au Chili, les manifestations de grande ampleur se multiplient. Dans le monde, si les revendications sont différentes, ces mouvements ont un point commun et se développent grâce aux réseaux sociaux et à cause... J'ajouterai, à cause de la misère, à cause du chômage. Hein? Faudrait pas oublier ça. Il faudrait pas oublier les véritables causes qu'on essaie de camoufler en parlant toujours d'autre chose. Élément déclencheur de la contestation depuis le 22 février 2019, après la décision du président Bouteflika de briguer un cinquième mandat. C'est en Algérie. À Haïti, depuis fin août 2019, à la suite d'une pénurie générale de carburant. Venezuela, depuis mai 2018, la réélection du président Maduro est contestée. Et puis, il y a aussi et surtout une hyperinflation. En Équateur, du 1er au 13 octobre 2019, taxe sur les carburants. Au Chili, depuis le 18 octobre 2019, hausse du prix du ticket de métro. Ce sont pas les causes, ni même les causes principales. C'est le facteur déclencheur. C'est la dernière bêtise qui fait que les gens s'énervent, finissent de s'énerver. En ont marre de qu'on se paye leur tête. En ont marre qu'on leur gâche la vie. Parce que c'est ça, ce sont des millions de vies qui sont gâchées. Depuis le 14 octobre 2019, après les condamnations, leader indépendantiste à des peines de prison en Catalogne. Eh oui. Depuis novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes taxe sur les carburants en France. La taxe sur les carburants, c'est l'élément déclencheur. C'est l'événement qui a provoqué le basculement. C'est pas la cause principale, c'est l'élément de trop. Depuis le 17 octobre 2019, contre une taxe sur les appels passés via WhatsApp au Liban. Depuis le 1er octobre 2019, contre le chômage et pour les mesures sociales en Irak. Le chômage, il y a du chômage en Irak, tiens, eh ben je parie moi qu'il y a du chômage, il n'y a pas qu'en Irak qu'il y a du chômage. En France, nous avons 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs, et ça fait monter le parti d'extrême droite. Eh oui. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça en Allemagne, en 1932, enfin dans les années qui ont précédé, et puis 1932-33. Et en 33, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les Allemands, ils ont voté pour Hitler. Pas massivement, mais suffisamment quand même pour qu'il soit élu. Donc les fascistes, les nazis, sont arrivés au pouvoir en Allemagne en 1933, et ça leur a permis de faire la Deuxième Guerre mondiale, entre 60 et 70 millions de morts. Voilà, les camps de concentration, etc., etc. Tout ça à cause du chômage, à cause de la misère. Alors, messieurs qui fabriquez de la misère, faites quand même attention à vos abattis, parce que vous pourriez éventuellement être sur la liste des victimes. Ah oui, oui, oui. Bah oui, celui qui déclenche une catastrophe, il peut très bien subir lui-même les conséquences de la catastrophe qu'il a déclenchée. Depuis le 9 juin 2019, contre les lois sur les extraditions pour la démocratie à Hong Kong, depuis le 20 septembre 2019, manifestation contre le président Al-Sisi en Égypte, Indonésie depuis le 23 septembre 2019, projet de nouvelle loi liberticide et de révision du code pénal, Soudan depuis décembre 2018, hausse du prix du pain, et voilà, et j'en passe, j'allais dire des meilleurs, mais non, j'en passe des pires. Voilà, voilà le monde dans lequel on vit. Les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent. Eh oui, parce que pour fabriquer un riche, il faut fabriquer 1000 pauvres au moins. Et si on veut faire un très riche, ben il faut fabriquer 1 million de très pauvres. Eh oui, ben ça va ensemble. Le gâteau étant ce qu'il est, bon, suivant la taille que l'on donne aux parts, voilà. L'injustice sera de plus en plus grave. Alors, les injustices, je parlais tout à l'heure de l'arrivée des nazis au pouvoir à cause du chômage en Allemagne en 1932-33 et de la misère qu'il y en a avec. La misère, eh oui. Parce que le peuple allemand, lui, il n'était pas plus belliciste que le peuple français. Non, c'était ses gouvernants qui avaient tendance à et qui voulaient que... Expérience médicale à Auschwitz menée par IG Farben. IG Farben, c'était déjà... une grosse entreprise de l'industrie chimique, IG Farben, un nom à retenir, hein, parce que maintenant ça s'appelle autrement, ça s'est appelé BASF par exemple, et puis d'autres marques, hein, et voilà. Alors du livre IG Farben, d'Anilin au travail forcé, de Jörg Unger et Paul Sander, des expériences scientifiques ont également été faites dans d'autres camps de concentration. Un fait décisif est que IG Farben employait le major SS Dr. Helmut Vetter, stationné dans plusieurs camps de concentration. Il a participé à ses expériences sur ordre de Bayer Leverkusen, en même temps que le Dr. Josef Mengele. Dr. Josef Mengele, qui, rappelons-le, avait deux titres de docteur. Il était docteur en médecine et docteur en philosophie, s'il vous plaît. Eh oui, il a expérimenté à Auschwitz des médicaments désignés B-1012, B-1034, 3382 ou Rutenel. Les préparations d'essai ne s'appliquaient pas seulement aux prisonniers malades, mais aussi à des personnes en bonne santé qui ont d'abord été infectées par des pilules, des substances en poudre, des injections ou des lavements. La plupart des médicaments ont provoqué des vomissements ou des diarrhées sanglantes chez les victimes. Dans les archives d'Auschwitz, une correspondance entre le commandant du camp et l'entreprise Bayer Leverkusen a été découverte. Il s'agissait de la vente de 150 détenus UE, des femmes, à des fins expérimentales. En vue des expériences prévues avec une nouvelle drogue de sommeil, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez mettre à notre disposition un certain nombre de prisonniers. Confirmez votre réponse. Mais considérez que le prix de 200 Reichsmark par femme est trop élevé. Nous vous proposons de ne pas payer plus de 170 Reichsmark par femme. Si cela vous convient, les femmes seront placées en notre possession. Plus loin, nous confirmons notre accord. Nous vous prions de préparer 150 femmes de la meilleure santé possible. Réponse. Nous avons reçu l'ordre de 150 femmes. Les expériences ont été effectuées. Toutes les personnes testées sont mortes. Nous vous contacterons prochainement sur un nouvel envoi. Voilà, voilà ce qui semble accréditer l'horreur. Continuons. Alors, nous sommes à un tournant de l'histoire actuellement. Faisons très très attention que l'histoire ne se renouvelle pas. Évidemment, elle se renouvelle pas à l'identique. Non, non, non. Mais ces gens-là sont capables d'inventer le pire. Le pire pour l'époque. C'est-à-dire, quelquefois, pire que les époques précédentes. Ben oui, bien sûr, on a fait des milliers de morts pendant les croisades, on a fait des millions de morts pendant la guerre de 14, des millions de morts pendant la guerre de 39-45, et puis on a continué en Indochine, en Algérie et partout. Si c'est pas nous, les Français, c'est d'autres. Mais voilà, on n'est pas à l'abri du tout de la monstruosité des gens qui nous gouvernent. Des gens qui nous gouvernent, et n'oublions pas que c'est nous qui les avons mis au pouvoir, ou qui avons laissé faire les choses pour qu'ils arrivent au pouvoir. Hein, parce que quelquefois on était aveuglés, et lorsqu'on commence à comprendre, ben il est trop tard. Hein, voilà, on est dans le piège. Alors, autre chose, là, chère Madame Buzyn, je vous ai lu le début de la lettre l'autre fois, et comme j'ai tellement de choses à dire dans la revue de presse, ben, j'ai écouté un peu, je reprends là où j'avais arrêté. Alors, j'ai été soigné dans le soi-disant meilleur hôpital de France, et pourtant, on m'a laissé mourir. J'ai eu la chance d'être opéré par un homme aux mains d'or et qui a fait un travail extraordinaire. Avant ça, j'ai contracté deux infections nosocomiales en service de réanimation néonatale qui ont failli me tuer. J'ai été annulé 5 fois du bloc opératoire par manque de personnel. Chaque jour passant, entravant un peu plus mes chances de survie. Seulement, la moitié des blocs étaient ouverts et les patients d'un hôpital voisin étaient opérés ici en plus des autres. Une bonne partie des blocs étaient fermés à la chirurgie cardiaque faute de personnel. J'ai été transféré en service de réanimation chirurgicale cardiaque depuis la réanimation néonatale dans des conditions plus que moyennes. J'entends par là que les infirmières n'étaient pas assez nombreuses, que le matériel ne fonctionnait pas ou était manquant. Il n'y avait qu'un étage à descendre et quelques portes à franchir, me direz-vous, Madame la Ministre. C'est vrai, oui, mais si mon petit cœur fragile s'était arrêté, il n'y avait pas de défibrillateur en état de marche. Si mon petit cœur s'était arrêté à ce moment-là, je serais morte plus tôt, madame, dans mon petit incubateur, dans un couloir, sous l'œil de mes parents. L'extraordinaire professeur qui m'a opéré l'a fait sur un jour de garde. Un samedi, un jour où il ne traite que les urgences. S'il n'avait pas fait ce choix pour être, peut-être que je n'aurais jamais été opéré. À ma sortie du bloc, j'étais totalement réveillé, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Voilà, alors j'arrête là parce que les horreurs, hein, on est quand même le 27 décembre 2019. Hein. Ah oui, le temps passe, hein, le temps passe. Les choses s'améliorent pas, mais le temps passe. Voilà, hein, les braves gouvernants, quand je dis braves gouvernants, c'est mon cœur de ma part. Hein. Ces gens-là, je les méprise au plus haut point. Hein, et je méprise ceux qui les ont mis au pouvoir aussi, par la même occasion. Ah ben oui. Comment la police de Vichy s'est totalement soumise aux nazis. Alors, continuons le texte qui avait été commencé l'autre fois. Des camps d'internement en zone libre, surveillés par les Français. Car les forces de l'ordre françaises ont dépassé les attentes des nazis. Dès le premier jour de l'occupation, l'occupant est surpris de l'esprit de collaboration étonnant des policiers français. C'était en 1940, hein. Oui, il y a longtemps. Les choses ont tellement bien changé depuis. La télé, par exemple, a permis de faire tellement bien évoluer les mentalités, la mentalité moyenne du français moyen, que les choses ne seraient plus possibles maintenant. Vous voyez, vous, un policier en train de tabasser un manifestant à main nue par terre, le piétiner, hein, en 2019. Non, non, en France, oh, jamais de la vie. Mais non. Alors voilà, narre la voix off. Et cet esprit ne se tarira pas. Si des dizaines des flics réputés anti-nazis sont arrêtés, les hommes restants se mettent au pas d'Hitler, sans complexe. À la tête de la police, des activistes d'extrême droite, des hauts fonctionnaires ou des anticommunistes déterminés noueront des arrangements criminels avec les Allemands. Sans sourciller, le ministère de l'Intérieur commence à ouvrir en zone libre des camps de concentration, pudiquement appelés camps spéciaux, pour y interner 40 000 juifs étrangers. uniquement surveillée par les forces de l'ordre françaises. Uniquement surveillée par les forces de l'ordre françaises. Les détenus vivent dans des conditions dramatiques. À l'hiver 1941, dans le seul camp de Gurs, près de 700 internés décèdent. Le pire est à venir. Plus la guerre avance, plus l'épuration politique et raciale ira loin dans l'horreur. Le pire est à venir. Compte le documentaire compilant archives rares, vidéos de propagande et articles de journaux d'époque. En 1942, les forces allemandes dans l'Hexagone ne sont plus que 40 000. 3 fois moins que leurs collègues français. Mais les chefs de Vichy n'en profitent pas pour freiner leur collaboration avec les nazis. Bien au contraire. Quand les hommes du Reich annoncent la déportation prochaine de 5000 juifs en zone occupée, le nouveau chef de la police, René Bousquet, leur fait savoir qu'il y a aussi des milliers de juifs étrangers en zone libre et qu'ils seraient disposés à leur livrer. Un mois plus tard, en juin 1942, les Allemands réclament ainsi la livraison de 40 000 juifs de France. Cet objectif sera malheureusement dépassé. À la fin de 1942, 42 000 victimes ont quitté l'Hexagone, à destination d'Auschwitz. Vichy prétend s'être entendu avec l'occupant pour sauver les Juifs français. En vérité, il en a sacrifié des milliers. Des milliers. Voilà, Vichy. Ceux qui croient encore que Vichy a diminué les dégâts, attention, ce sont des naïfs. Mais des naïfs volontaires. Parce que quand même, hein, les livres d'histoire, il faut pas hésiter à les feuilleter un peu quand même. Prestation de serment des agents de police faisant le salut fasciste au palais de Chaillot à Paris, en janvier 1942. Photographie interdite par la censure. Le drame des enfants, une honte absolue. La dignité des forces de l'ordre atteint son paroxysme lors de la rafle du Veldiv. Dans un premier temps, les Allemands n'avaient pas prévu de déporter les Juifs de moins de 16 ans. Mais ce n'est pas de l'avis des policiers français qui arrêtent 13 152 Israélites, dont 4000 enfants. Alors que le chef du gouvernement Laval avait prévu de livrer 24 000 juifs aux Allemands, il rougit devant cet échec relatif et insiste ainsi pour que les enfants soient déportés avec leurs parents. 2 semaines plus tard, les nazis donnent leur accord à la déportation des enfants. Si leurs parents ont déjà été envoyés dans les camps de la mort, les enfants dont plus de 800 ont moins de 6 ans sont déportés sans eux dans des wagons plombés. Le drame des enfants a fait jouer à la police et à la gendarmerie le rôle le plus honteux de leur histoire. Le drame des enfants a fait jouer à la police et à la gendarmerie le rôle le plus honteux de leur histoire. Tous ont tenté de justifier l'inacceptable. À la fin de la guerre, à leur procès, les responsables de Vichy n'hésitent pas à se cacher derrière des mensonges culottés et hantés, martelant effrontément qu'ils ont sauvé des Juifs français. Tous ont tenté de justifier l'inacceptable. Avec talent, le réalisateur David Kornbrosin confronte les paroles fallacieuses des chefs de la police, incarnés par des comédiens, et les archives, ne laissant aucun doute sur leur culpabilité. Laval, Bousquet ou encore Darlan reprennent ainsi vie, cachés derrière un cynisme affligeant. La reconstitution des paroles de René Bousquet dans le documentaire « La police de Vichy, c'est programme 33. Jusqu'à la libération, les arrestations de juifs, même français, se multiplieront. Depuis 1944, sous la houlette du nouveau ministre de l'Intérieur, Joseph Darlan, la terreur s'installe. Les policiers traquent, torturent et assassinent les résistants et réfractaires du service du travail obligatoire. Les flics, valets de la Gestapo, devenus miraculeusement résistants. Mais après le débarquement, le vent tourne chez les policiers, sans pour autant déserter. 40% d'entre eux sont officiellement souffrants en juillet 1944. Dans les combats pour la libération de Paris, les flics sont en première ligne et se joignent aux résistants. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs. Les combats de Paris suffisent toutefois à laver l'opprobre. En ces temps agités, le pouvoir gaulliste a besoin de force de l'ordre. Force de l'ordre, force de l'ordre. Qu'est-ce qu'on nous répète, hein, ça, force de l'ordre. Et tourner la page de la collaboration policière. la police sera quand même le corps professionnel le plus épuré à la libération. Le plus épuré à la libération, et pas assez. Plus de 10 000 policiers sont sanctionnés, internés ou jugés. Les chefs des brigades spéciales, les commissaires zélés, les pourvoyeurs de pelotons d'exécution sont condamnés à de lourdes peines. Si Laval est condamné à mort, certains réussissent à se faire oublier, comme René Bousquet, responsable des grandes rafles anti-juives. Il est acquitté en 1949 pour service rendu à la résistance, paraît-il. Il n'est inculpé qu'en 1993, pour complicité de crimes contre l'humanité. Complicité de crimes contre l'humanité, avant d'être assassiné par un déséquilibré à la veille de son procès. C'était un chauffeur de taxi de Saint-Dié qui l'a exécuté. Sur ordre, bien sûr, pour éviter que le procès ne traîne en longueur et que ça n'amène devant les juges peut-être d'autres personnes que l'on a oubliées depuis. Laurent Binet écrit dans son livre HHH que le spectaculaire abruti nous a ainsi privés du procès du siècle. Voilà. Procès du siècle.